parler de soccer à Chipougamau avec notre ami Yannick Harvey. Salut Yannick. Salut. Est-ce qu'il fait plus beau à Chipougamau qu'à Dolbeau? Parce que je te dis qu'à Dolbeau, ça fait dur en maudit. Ben, je te dirais que pour la fin de semaine, oui, il a fait quand même assez beau. Nos matchs étaient à l'extérieur, à Chicoutimi et à Alma. Par contre, notre début de semaine ici, là, on a eu quand même un peu de beau temps le lundi, mais le reste de la semaine, là, pour l'instant, c'est le pluie et vent. Ah, alors, on fait avec la température qu'on a. C'est incroyable, en tout cas. On est loin des feux de forêt, mettons. Ouais, effectivement. Yannick, avant de commencer les résultats, as-tu du nouveau concernant ce qui s'est passé, l'appel? Vous allez sûrement aller en appel? Non, finalement, les décisions qui ont été prises, c'est qu'on va garder ça comme ça. Les gens en question ont quand même accepté là, les sanctions. Il y a peut-être juste dans le cas d'un de nos joueurs qui s'en va au collège dans le coin de Montréal, dans la région du Grand Montréal. On veut juste vérifier si ça ne va pas nuire justement là, à sa progression, parce que lui, bien sûr, il veut faire partie de l'équipe là, du collège où il s'est inscrit en question. Alors on va vérifier ça avec l'association régionale, mais je pense pas que la sanction se poursuive au niveau du scolaire. OK. Bon, on va se parler des matchs cette semaine. Oui, alors, en fin de semaine passée, le U12 en division A s'est rendu à Chicoutimi pour jouer un match contre le Chinook. Alors, le Céleste a vaincu le Chinook 5-2 à Chicoutimi. Et 2 heures plus tard, on était en direction d'Alma pour aller affronter une très bonne équipe à Alma. C'était notre deuxième match. Et quand on parle de deuxième match, bien, faut comprendre qu'on parle de fatigue, on parle de joueurs qui sont un petit peu moins concentrés. Mais faut donner le crédit à Alma. Ils ont une super équipe, du jeu de passe incroyable. Ça s'est terminé 7-0 pour Alma. Okay. Nos joueurs n'étaient vraiment plus là. Ils avaient tout donné dans le premier match. Fait que ça, c'est des choses qu'il va falloir peut-être regarder là, parce que même au niveau senior, c'est un peu la même chose qui s'est passé. Quand on se déplace, bien des fois il y a des joueurs qui peuvent pas se déplacer avec nous les certaines fins de semaine. Dans le cas du senior, ça s'est passé, il y a eu 2 matchs dimanche dernier, alors le 28, si je me rappelle bien, juin. Le premier match s'est déroulé à Chicoutimi sur le terrain synthétique à Lucac. Malheureusement pour nous autres le Céleste, on était 10 sur le terrain, pas de nex rien contre un 11 quand même assez efficace, et malgré cela, avec un positionnement stratégique, on a été en mesure de gagner le match 2-0. Ah, okay. Et on s'est déplacé à l'Abbé par la suite, où on devait affronter en division 3 le FC l'Abbé. Et faut comprendre que là, pas de nex à 10 contre 11 encore, ben ça a été plus difficile. Malgré que le résultat est quand même bien, ça s'est terminé 4-1 pour l'Abbé. Alors, mais on voyait qu'il manquait de sens là dans les réservoirs des joueurs sur le terrain à ce moment-là. Okay. Donc ça a bien été cette semaine. Hey, tu me parles? Ça a quand même bien Vas-y avec ce qui s'en vient cette semaine. Puis après ça, j'ai une question. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Donc, cette semaine, ouais, au niveau local, il y a eu quelques pratiques, comme je te l'ai dit tantôt, ouais, la pluie puis le vent s'en est mêlé. Au niveau du U10, il y a eu un match en début de semaine. Ça s'est quand même terminé 5-2 pour les Bleus des Jardins. Alors, les marqueurs, c'est Mathieu Bousquet. Et du côté des Oranges, pour les marqueurs, Daphné Beaulieu a marqué avec des passes venant de l'arrière, là, Christophe Rau, okay, dans l'équipe des Oranges. Oui. Pour le U12 local, un score à faire peur, 10-6. Et monsieur? Ah oui, c'était là. Hier, on avait du jeu, okay, très, très, très, très ouvert. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas. Les marqueurs pour ce match-là, 10-6, on parle de Lucas Beaulieu, 4 buts, Mathis Corneau, 4 buts, et du côté, ça c'est pour les Oranges, alors Omar Droit, et du côté des Bleus des Jardins, dans le U12, on a 6 buts, alors on a 2 buts pour le Ludovic Bérubé, 2 buts pour notre ami Loriot Rakoto Harrison, et un autre 2 buts pour Tommy surprendre. Okay. Ma question, c'est sûr que là oui. on est pas dans le, on est en pause scolaire, sauf qu'il y a une question, tu t'as parlé de scolaire tantôt, le soccer oui. scolaire à Chibougamau, ça dit quoi? Ah, il y en a pas présentement okay. Du soccer scolaire. Ben, s'il y en a, il y en a durant peut-être les récréations au niveau. Mais primaire. Est-ce que c'est quelque chose que... Je sais que mes enfants qui sont en bas âge présentement, eux m'en parlent un peu, là. Durant les récréations, il y en a à l'extérieur. Okay. Mais à part ça, il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas de programme sport-études, rien de tout ça. OK, mais ouais, c'est ça, mais je veux dire, il y a des ligues scolaires ici. Est-ce que c'est quelque chose que... Parce que je sais que Dolbeau, ici à Dolbeau, on a travaillé avec l'association de soccer, on a travaillé avec le scolaire pour mettre des équipes au niveau scolaire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on entend faire? Parce que Yannick, tu œuvres dans le milieu scolaire aussi, tu as ton emploi dans le scolaire. Est-ce que c'est quelque chose que dans les prochaines années, qu'il pourrait y avoir des équipes scolaires de Chibougamau dans les différentes ligues scolaires régionales? Ben, je te dirais oui et non. Ah, okay. Écoute, moi, c'est sûr que plus il y a de soccer, plus je suis content. Okay. C'est certain qu'il y a des décisions qui vont devoir être prises dans les prochaines années. Le soccer est un sport qui est de plus en plus en demande. Et on voit dans le fond là, qu'au niveau des inscriptions, ça se maintient bien à Chibougamau. Puis les jeunes qui grandissent avec nous dans le club, bien, vont peut-être vouloir développer ce sport-là encore plus et pouvoir compétitionner contre les autres écoles là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais regarde, moi, si le besoin est là, puis s'il y a des demandes qui sont faites au club, bien, il y a une ouverture de ce côté-là là, pour travailler avec les gens. OK, mais ce serait les mêmes joueurs, dans le fond, là. Ben, probablement que oui, mais moi je pense qu'il pourrait s'en ajouter d'autres là aussi. Là, il y a des jeunes des fois l'été qui que les parents, dans le fond, pour des raisons de vacances ou ces choses-là, n'inscrivent pas leurs jeunes au soccer pour pouvoir quitter la région, etc. Puis pourraient bénéficier à ce moment-là d'un entraînement puis de connaissances soccer durant la saison hivernale, durant la période de scolaire. OK. Yannick, on se reparle quoi jeudi prochain? Oui, effectivement. Bon. Jeudi prochain, avant là, il va rester quoi, deux semaines avant les vacances de construction? Alors nous, on va prendre une pause d'une semaine durant les vacances de construction. C'est dans le calendrier scolaire. Excuse-moi, on parle du scolaire. C'est dans notre calendrier estival, excuse-moi. Fait qu'il y a deux semaines, petite pause, puis on reprend une semaine avant notre tournoi ici à Chibougamau. Okay. Yannick Harvey, gros merci pour son part. Oui, Yannick Harvey, le responsable du soccer à Chibougamau.